l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je me réjouirai en toi. Je chanterai ton nom. Ô très haut, quand mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant toi. Siège sur ton trône, toi le juste juge. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il gouverne les peuples avec droiture. Avec droiture.